Il y a mise génétique, sans affect et négativisme, un dictionnaire commercial, une nana moitié à poil. Que fait-on, cher Henri Pierron, quand on est encerclé de cons? Il y en a qui boivent du coca light, le pulvère et bibindum. Fumait-elle, se croit au ski, pendant le cours d'Agassi? Heureusement qu'il y a les amis, Plumette, Sophie et Virginie.